Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé. Et tu n'en sortiras pas vivant. Oui, je sais, ma chérie. Au fond, ça te dérange, tous les il ou elle assortis à ta petite gueule d'ange. Viens, je t'emmènerai. Je t'emmènerai. Des fois je me sens trop belle, des fois un peu oubliée. Dans un corps sentinelle comme si les regrets pleuvaient. J'ai pas la science infuse, je suis qu'une fusion de comètes. Juste une idée recluse, panée sur la bonne planète. Je vais peut-être exploser dans des genres désœuvrés. Qui sait, un film sans histoire, pourvu qu'il soit pas trop tard. Oui je sais, ma chérie, au fond ça te dérange. Tous les il ou elle assortis à ta petite gueule d'ange. Viens, je t'emmènerai. Je t'emmènerai. Nous sommes ceux qui n'avons pas réussi à exister correctement. Les bancals, les chelous, les avenants. Mais ce soir on sera tous sûrs d'une chose. C'est que là, posé entre les reflets de la lune, il y aura de la place pour toi et nous, assis sur les dunes. Le regard en l'air, il n'y aura pas vraiment de gravité. Et alors les jours vont juste passer. C'est pas comme si la nuit, j'embrasse les filles et les garçons. C'est pas comme si le jour, l'océan hurlait mon prénom. Je suis peut-être marin mec sans, mais je suis pas une contrefaçon. À l'abri de vos bouches et puis nique la mort. C'est pas comme si la nuit, j'embrasse les filles et les garçons. C'est pas comme si le jour, l'océan hurlait mon prénom. Je suis peut-être marin mec sans, mais je suis pas une contrefaçon. À l'abri de vos bouches et puis nique la mort. Oui, je sais, ma chérie, au fond ça te dérange. Tous les il ou elle assortis à ta petite gueule d'ange. Viens, je t'emmènerai. Ta petite gueule d'ange, viens, je t'emmènerai. Je t'emmènerai. Deuxième heure de British Connection, bienvenue à Ambio, je suis très heureux de les recevoir dans les studios de la radio, ça fait des mois que je vous les diffuse, j'adore, et je crois en eux. Salut. Bonjour. Voilà, alors c'est le collectif Ambiose, ils se présentent et puis ils font leur British Connection, leur programmation, il y aura du 21 Pilots, j'ai vu du Therapy Taxi, du Phoenix. Allez, allons-y. Alors, Ambiose. Eh bah bonjour, moi je suis le chanteur et guitariste live d'Ambiose. Je suis un des membres fondateurs de ce collectif et je passe la parole à mes collègues. Salut, moi c'est le batteur et pianiste et un peu chanteur aussi et un peu d'autres choses, vous verrez en live si vous venez. Moi je suis venu juste après la fondation du groupe. Et troisième membre. Hello, moi je chante, je fais de la basse et je gère tous les claviers sur les côtés du coup en live. Et je suis arrivé il y a tout juste un an du coup. Et, voilà. Et c'est un collectif du coup. Alors voilà pourquoi. Alors expliquez-nous brièvement, parce qu'on on va passer le premier morceau que tu as choisi. C'est un collectif en fait. Donc il y a des gens qui arrivent, qui repartent. Ouais, c'est un peu un aller-retour de gens, parce qu'on a créé le collectif quand on était très jeune, quand on sortait du lycée avec la première chanteuse du groupe. On n'était que deux au début. Et en fait, on s'est aperçu que visuellement et même musicalement, on voulait s'inspirer de plein de gens, travailler avec plein de gens aussi, beaucoup d'amis, c'est un vrai groupe de potes en fait, Ambiose. Et donc, bah, on s'est dit, bah, voyons le truc large, même si on défendra toujours le projet à trois sur scène. Comme ça, on peut se permettre de faire travailler beaucoup plus de gens à l'intérieur de ce projet musical. Quoi. Moi, je vous ai vu en concert il y a un mois et demi au Cirque Électrique. Alors, c'est vrai qu'il y a une ambiance, il y a plein de choses. Vous avez vos... Alors, cette couleur rouge qui apparaît, enfin, qui est en permanence présente. Vous avez vraiment un univers à vous. Et d'ailleurs, vous êtes masqué sur scène, vous êtes ici masqué dans le studio. Et si vous voulez voir la photo, tiens, d'Ambiose, justement, actuellement, vous allez sur la page Facebook de British Connection. Alors, premier choix, 21 Pilots. Ouais, c'est la chanteuse et moi qui avons choisi 21 Pilots. Et vous pouvez l'écouter tout de suite. We've been here the whole time. You were asleep. Time to wake up. Thank you. vous êtes bien dans British Connection, votre émission rock, ici même toutes les semaines sur votre radio favorite. Et aujourd'hui, pour l'avant-dernière émission de la saison, et cette dernière heure, j'ai la joie de recevoir Ambiose, le collectif. Alors c'est quoi ce collectif finalement ? Oula, ils sont tous en train de se dire, tiens, vas-y, parle. Alors, ce collectif, ouais. Du coup, comme a dit notre magnifique chanteur, ça a commencé à deux au début, avec l'ancienne chanteuse. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ils se sont dit, mais on a tellement d'inspiration, on a tellement de choses à voir, que pourquoi pas faire entrer un peu les copains dedans. Et c'est vrai qu'il y a, c'est un peu l'amitié qui se mêle au projet, quoi. Donc on a... Moi j'ai rejoint le truc, enfin moi personnellement, donc batteur... Le truc Le truc, le machin là. Non, c'est vrai que moi j'ai rejoint le projet un peu un an, on va dire, après le vrai début du projet. Et pour le coup, le chanteur, je le connais depuis la moyenne section de maternelle. Ça fait presque 16 ans qu'on se connaît quand même. Trop longtemps. Trop longtemps. Trop longue amitié. Vous étiez déjà masqué au lycée ? Non, malheureusement pas. On aurait dû. et c'est vrai que maintenant, dans la team, il y a du graphisme, il y a des trucs manuels. On a une super amie qui fait des affiches. Il y a des comédiens et des comédiennes. Il y a d'autres musiciens, évidemment, qui nous aident à faire les morceaux. Vous savez qui vous me fait penser, vous connaissez les Burberry Noirs ? Ouais. Et ben vous êtes sur le même, alors c'est pas du tout le même style musical, mais non. Vous êtes sur le même truc. Non, mais c'était un collectif, pareil, il y avait des dessinateurs, des machins, des trucs. Ça me fait exactement penser à ça. Votre second choix, bizarrement, un morceau d'Ambiose. Oui, alors du coup, après, pour moi perso, j'ai choisi Eden parce que c'est la première chanson d'Ambiose que j'ai écoutée avant de rejoindre le groupe. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai rejoint moi un an après. Du coup, le batteur qui avait déjà rejoint plus tard. Et du coup, j'ai choisi Eden parce que c'était la première chanson que j'avais écoutée. Et en fait, au tout début, quand j'ai entendu Ambiose, j'ai pas aimé. Et ensuite, j'ai écouté et ensuite j'ai appris à aimer et ensuite j'ai rejoint. Et ben voilà, Eden, Ambiose en British Connection. Je rêve plus depuis longtemps que toutes les nuits, je plonge dans le néant, les veines tranchées, la bouche fermée, le cœur brisé, les yeux dorés, je crains. Encore une allumette pour te voir dans le noir à la fenêtre, la tête pensante, la clope au bec, moi qui me lamente de mes échecs. Je sais que tes yeux sont mon remède. T'es comme une nymphe, comme un dromède. Si on était Adam et Ève, je boufferais le fruit tout contre tes lèvres pour s'évader dans le feu de nos rêves. Car je suis échoué tout contre la grève. Qui m'entraîne, qui m'entraîne, qui m'entraîne.

et beaucoup d'inspiration quoi, au niveau vraiment feeling, rythmique, tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Alors tout à l'heure vous avez choisi 21 Pilots, là il y a du Therapy Taxi, c'est, moi je trouve, hein, alors c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais je trouve que vous, dit, vous ressemblez, Ambiose c'est beaucoup de ces deux groupes là. 21 Pilots et Therapy ouais, Taxi ouais, ouais. Je pense que, bah, en tout cas c'est sûr que c'est des, nous on nous vanne tout le temps sur le fait qu'on ressemble beaucoup à Therapy Taxi, mais en même temps dès qu'il y a un chanteur et une chanteuse en même temps et qu'ils font un peu de la pop rock, c'est devenu un peu une facilité, même si j'avoue que, en tout cas moi je suis... C'est plus sympa de ressembler, enfin de... Ouais, moi j'avoue je suis très friand de ce, qu'ils ont, ce par quoi ils ont commencé avec leur premier album, leurs premiers EP, etc. Et puis 21 Pilots, en fait, pour moi, c'est... Et pour aussi la chanteuse actuellement qui est à côté de moi, c'est une référence absolue. Mais de toute façon, ça s'entend, je pense, dans notre musique. On est des gens... Je pense musicalement, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est très hybride entre les styles, les genres, etc. C'est quelque chose qui m'anime. Donc, en fait, on dit qu'on fait du rock, mais en fait, on n'en fait pas tellement non plus. On est très inspiré par la pop, l'électro, la variété française, etc. Et pour moi, 21 Pilots et un peu Therapy Taxi, évidemment, d'autres groupes, c'est peut-être ouais, ceux qui représentent le mieux cette hybridité-là dans mes playlists. Quoi. Ouais, 21 Pilots, d'ailleurs, ils changent souvent de style. Enfin, il y a vraiment depuis des années tout un truc. Alors, Therapy Taxi, justement, j'en ai marre. Est-ce que vous en avez vraiment marre? Non, mais je suis un des fervents défenseurs de leur premier album, qui pour moi est une magnifique sur ce qu'il dit sur la génération et le point de vue sur le genre, la sexualité, etc. Je trouve que on en reparlera de la sexualité, tout ça dans un instant. Mais c'est vrai, vos textes, parfois vous êtes hyper positif et puis parfois on a envie de se pendre, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est un truc, on l'écoutera. Enfin, moi j'ai beaucoup écouté ce que vous faites. Je vous ai vu en concert et c'est vrai qu'il y a une joie immense pendant les concerts, mais il y a un côté flippant quand on se dit merde. On essaye de contrebalancer, mais c'est un collectif en tout cas qu'on essaye de faire avancer, même musicalement, dans les pas de notre génération, ce qu'elle a de positif, mais aussi ses mots MAUX. Donc on essaye d'être très pluriel dans ce qu'on raconte. Voilà, donc encore un choix d'Ambiose, Therapy Taxi dans British Connection. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Mais c'est le jour, le dernier. Parce qu'à chaque fois que t'es là, j'ai juste envie de me barrer. J'ai peur des autres, t'as gagné. Je reste toute la journée dans mon lit à t'écouter. Parfois ma tête ne tient plus qu'à un fil. C'est peut-être parce que mon cœur est fébrile. Tu chasses en moi tout ce qui est plus facile. On finira tous les deux à l'asile. Et j'en ai marre. Comme ça, mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Tu me fais craquer, même saigner. Je vais creuser dans ma peau jusqu'au mal qui m'a rongé. C'est l'avenir. Je te jure, je donnerai tout pour un souvenir à sauver. C'est tellement mieux quand t'es pas sur ma route. C'est surtout ton odeur qui me dégoûte. Mais pas question que j'émette juste un seul doute. Mes idées noires, j'en ai plus rien à foutre. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Et j'en ai marre de toi. Je sais c'est dur, mais c'est comme ça. Mais c'est pas moi, non c'est toi. Moi j'allais bien avant tout ça. Fais ma nuit. soirs, moi je te réponds plus jamais. Tu fais ma nuit, mes pensées. Trop longtemps qu'on se connaît, j'aimerais bien tout rallumer. C'est mon moral abîmé. Tu veux me voir tous les soirs, moi je te réponds plus jamais. Alors Ambiose, on peut parler de votre album quand même. Ange Gardien. On peut. On peut, hein, tant qu'à faire. Il faut. Alors, il est sorti il y a quelques temps maintenant. On peut se le trouver où? Sur toutes les plateformes habituelles. Évidemment. Et même si vous venez de nous voir en live, on a des super CD à vendre. Voilà. En parlant de concert, justement, moi j'étais il y a un mois et demi au Cirque Électrique. Vous avez votre public, quoi. C'est comme, enfin, vous avez votre style musical, vous avez votre ambiance, etc. Vous avez votre public. C'est un public qui vous suit partout, j'ai l'impression, ça. Puis, ils connaissent les paroles. Ouais, on a cette chance de ouf où c'est venu assez vite, en fait, par rapport à le nombre de concerts qu'on a fait, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens, moi, à chaque concert, je regarde le public, je fais « Putain, il est là, lui !» Et elle aussi, et machin, est là, et truc, est là. Et c'est trop cool à voir, quoi. Et je pense qu'on pense tous à la même personne, mais une dame qui est adorable, qui est un peu plus âgée que nous, qui est avec une béquille qui est très jolie, qui est super joliment décorée, elle a fait toute la tournée. Toutes nos dates sans aucune exception. Il y a les réseaux sociaux, ça vous a, enfin, fatalement maintenant ça aide vachement, quoi. Ouais, puis surtout en fait on commence à être aussi via les artistes qu'on fréquente et tout bien vu aussi dans la scène queer LGBT. Ouais. Du coup notre public vient beaucoup de ah c'est très multicolore. Hein. Ah c'est très. Moi, je suis un petit peu plus vieux que vous. C'est vachement il y a tout le monde, quoi. Il y a du il y a du elle, il y a tout ce qu'on veut, quoi. C'est top, quoi. Puis tout le monde s'aime. Enfin ça m'a même touché à un moment donné. Enfin il y avait de l'amour dans ce concert, quoi. Moi j'ai souvent été voir des trucs que pont où ça se destroy et ça truc. Et je t'ai trouvé de l'amour du public, de vous, c'est un truc qui m'a vraiment touché, quoi. Bah c'est les énergies qu'on essaye de diffuser, puis en fait la sortie de Illwell nous a beaucoup aidé à conquérir ce public-là. Ouais. Donc voilà, ça nous a beaucoup touché que les gens réagissent à ce point-là avec ce morceau et que notre public se forge aussi grâce à lui, quoi. Phoenix, c'est un de vos choix également. Oui, alors bah du coup Phoenix, comme je l'ai dit, c'était un peu c'est un peu cité Daft Punk, sorti cité Daft Punk, parce que bon, il y a eu des relations entre les, enfin ils étaient potes, etc. Ils sont du même coin, enfin ils sont de Versailles. Ouais, en gros le guitariste de Phoenix a eu un groupe avec un des mecs de Daft Punk avant qui s'appelait Darlene et c'était nul. Et voilà. Alors avant qu'elle connaisse Ambiose, c'était nul, mais là c'était nul. Non mais et aussi ce morceau après il a une valeur émotionnelle très très personnelle pour moi, mais voilà, un morceau très important. Alors on s'en écoutait quelques secondes, 2 minutes, puisqu'on arrive déjà au terme de la première demi-heure avec Ambiose. On se retrouve dans un instant. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope.